L'hiver et le printemps passent, tandis que Denise travaille la nuit pour faire face à ses problèmes d'argent, et le jour doit faire face à l'hostilité du personnel du Bonheur des Dames, à l'exception de Pauline, et celle de Mouret, car entre le patron et Denise est née une sorte de complicité.